La forêt ou l'abbaye de Saint-Clair par Anne Radcliffe. Tome 3e, chapitre 1er. Cependant, Adeline et Pierre continuèrent leur voyage sans éprouver d'accident et débarquèrent en Savoie, où Pierre la mit sur le cheval et marcha à côté d'elle. Quand il aperçut les montagnes de son pays, sa joie immodérée lui fit faire de fréquentes exclamations, et il demandait souvent à Adeline si elle avait vu de pareilles montagnes en France. « Non, non, ajouta-t-il, les montagnes de ce pays-là sont assez bonnes pour les montagnes françaises, mais elles n'ont rien à faire avec les nôtres. » Adeline, pleine d'admiration pour la scène majestueuse dont elle était environnée, convint de la vérité de l'assertion de Pierre, ce qui l'encouragea à s'étendre encore plus sur les avantages de son pays, dont il oubliait entièrement les désavantages, et quoiqu'il donnât les derniers sous qu'il possédait aux petits paysans qui couraient nu-pieds à côté du cheval, il ne parlait que du bonheur et du contentement de ses compatriotes. Le village où il était né faisait à la vérité exception au reste du pays et aux effets ordinaires d'un gouvernement arbitraire. Il paraissait florissant, sain et heureux. Il était principalement redevable de ses avantages à l'activité et à l'attention du bon prêtre qui en était le curé. Adeline, qui commença à sentir les effets d'une longue inquiétude et de la fatigue, désirait ardemment arriver à la fin de son voyage, et son impatience lui faisait faire de fréquentes questions à Pierre. Ainsi harassée, la sombre grandeur des scènes qui avait depuis peu excité en elle des émotions sublimes lui inspira de l'épouvante. Elle tremblait au bruit des torrents qui se précipitaient à travers les rochers et dont la chute faisait retentir la vallée. Elle tressaillait d'effroi à la vue des précipices, quelquefois suspendus sur la route et quelquefois à côté du chemin. Toute fatiguée qu'elle était, elle descendait souvent pour monter à pied les endroits escarpés qu'elle craignait de passer à cheval. Le jour tirait vers sa fin lorsqu'ils s'approchèrent d'un petit village au pied des Alpes, et le soleil, en descendant dans toute sa splendeur du soir derrière leur sommet, dardait à travers la perspective un rayon si tendre et si attrayant qu'Adeline, quelque languissante qu'elle fût, exprima son admiration par une exclamation. La situation romantique du village attira ensuite ses regards. Il était au pied de plusieurs hautes montagnes qui environnaient un lac à quelque distance de là, et les arbres qui couvraient leur sommet étaient pour ainsi dire suspendus sur le village. Le lac, uni comme une glace, réfléchissait les couleurs vermeilles de l'horizon, et la Seine sublime qui était sur ses bords s'obscurcissait graduellement avec le crépuscule. Quand Pierre aperçut le village, il fit un cri de joie. « Dieu soit béni » s'écria-t-il, « nous sommes près de chez nous. Voilà mon cher pays natal. » Il a toujours la même apparence qu'il y a 20 ans, et voici les mêmes vieux arbres qui verdissent autour de notre chaumière là-bas, et ce gros rocher qui s'élève tout au-dessus. C'est là qu'est mort mon pauvre père, mademoiselle. Plaise à Dieu que ma sœur soit encore en vie. Il y a longtemps que je ne l'ai vue. » Adeline écoutait avec une satisfaction mélancolique les expressions sans art de Pierre, qui, en retraçant les scènes de son enfance, paraissait de nouveau en savourer le plaisir. À mesure qu'il s'approchait du village, il continuait à désigner divers objets qu'il se rappelait. « Et c'est aussi là le château du bon pasteur. Regardez, mademoiselle, cette maison blanche, avec la fumée qui sort en tournant sur le bord du lac là-bas. J'ignore s'il vit encore. Il n'était pas vieux quand je quittais le pays, et il était autant aimé qu'un homme peut l'être. Mais la mort n'épargne personne. » Ils arrivèrent pendant ce temps-là au village, qui était extrêmement joli, quoiqu'il ne promît pas beaucoup de commodités. Pierre eut à peine fait 10 pas qu'il fut accosté par quelques-uns de ses anciens amis qui lui prirent la main et qui ne pouvaient le quitter. Il demanda des nouvelles de sa sœur et on lui répondit qu'elle était en bonne santé. En allant chez elle, il fut environné d'un si grand nombre de connaissances qu'Adeline était fatiguée du délai occasionné par la foule. Plusieurs personnes qu'il avait laissées dans la vigueur de l'âge étaient maintenant accablées des infirmités de la vieillesse, tandis que leurs fils et filles, qu'il avait vus dans l'enfance, étaient parvenus à l'état de l'adolescence et n'étaient plus reconnaissables. À la fin, ils arrivèrent à la chaumière et furent reçus par sa sœur, qui, ayant appris son arrivée, était venue à sa rencontre avec un plaisir sincère. En voyant Adeline, elle parut surprise, mais l'aida à descendre, et la conduisant dans la petite chaumière, qui était cependant bien propre, elle l'accueillit avec une politesse et une chaleur qui auraient fait honneur à un rang plus élevé. Adeline désira lui parler en particulier, car la maison était alors pleine des amis de Pierre, et l'ayant informé des particularités de sa situation qu'il était nécessaire de lui communiquer, elle lui demanda si elle pouvait lui donner un appartement dans la maison. « Oui, mademoiselle, » dit la bonne femme, « tel qu'il est, il est fort à votre service. Je suis seulement fâchée de ne pas en avoir de meilleur. Mais vous avez l'air malade, mademoiselle. Que puis-je vous offrir ?» Adeline, qui avait combattu depuis longtemps contre la fatigue et l'indisposition, succombait alors sous leur poids. Elle lui dit qu'effectivement elle était malade, mais qu'elle espérait que le repos la soulagerait. Elle la pria de lui préparer un lit. La bonne femme sortit pour lui obéir, revint bientôt après, et lui montra une petite chambre dont la propreté faisait toute la recommandation. Mais, malgré sa fatigue, elle ne put dormir. Son esprit se reportait toujours aux scènes passées, où lui offrit un tableau triste et imparfait de l'avenir. La différence entre sa situation et celle des autres femmes qui avaient reçu une éducation semblable à la sienne la frappa sensiblement et elle fondit en larmes. « Elles ont, dit-elle, des amis des parents qui font tous leurs efforts pour prévenir non seulement tout ce qui peut leur être nuisible, mais même ce qui pourrait leur déplaire, qui veillent pour leur sûreté actuelle et pour leurs avantages futurs, et qui les empêchent aussi de se nuire à elles-mêmes. Mais dans toute ma vie, je n'ai jamais connu une amie, et j'ai rarement été exempte de quelque circonstance de danger ou de malheur. Cependant, il n'est pas possible que je sois née pour être continuellement malheureuse. Il viendra un temps où... » Elle commence à penser qu'elle pourrait un jour être heureuse. Mais se rappelant l'état désespéré de Théodore, « Non, » ajouta-t-elle, « je ne puis même jamais espérer de tranquillité. » Le lendemain, de grand matin, la bonne femme de la maison vint s'informer de sa santé et trouva qu'elle avait très peu dormi, qu'elle était beaucoup plus mal que la veille. L'état inquiet de son esprit contribuait à augmenter les symptômes de fièvre qu'elle avait. Et dans le cours de la journée, sa maladie parut prendre une tournure sérieuse. Elle en observa les progrès avec sang-froid, se résignant à la volonté de Dieu, et sentant peu de regrets pour la vie. Sa tendre hôtesse fit tout ce qui était en son pouvoir pour la soulager, et comme il n'y avait ni médecin ni apothicaire dans le village, la nature ne fut privée d'aucun de ses avantages. Malgré cela, sa maladie fit des progrès rapides, et le troisième jour elle eut le transport, après quoi elle tomba dans une espèce d'assoupissement. Elle ne sut pas combien de temps elle resta dans ce triste état, mais en recouvrant l'usage de ses sens, elle se trouva dans un appartement bien différent de ce qu'elle avait encore vu. Il était vaste, et avait un air de beauté. Le lit et tout ce qui l'environnait étaient d'un genre simple et élégant. Elle demeura pendant quelques minutes dans une extase de surprise, s'efforçant de rassembler toutes ses idées du passé, et craignant pour ainsi dire de bouger, de peur que cette vision agréable ne s'évanouît. À la fin, elle hasarda de se lever. Elle entendit aussitôt une tendre voix auprès d'elle, et une fille charmante tira doucement le rideau d'un côté. Elle se pencha sur le lit, et avec un sourire mêlé de tendresse et de joie, s'informa de la santé de la malade. Cependant, Adeline contemplait avec la dernière surprise le visage le plus intéressant qu'elle eût encore rencontré, sur lequel on voyait l'expression de la douceur, du sentiment et de la délicatesse réunies à l'aimable naïveté. Elle se remit néanmoins assez pour remercier cette charmante personne et pour lui demander à qui elle était redevable de ses soins et où elle était. Cette aimable fille lui pressa la main. « C'est nous qui vous sommes redevables, » dit-elle. « Oh, que je suis enchantée que vous ayez recouvré l'usage de votre mémoire !» Elle n'en dit pas davantage, mais vola vers la porte de l'appartement et disparut. Quelques minutes après, elle revint avec une dame d'un certain âge, qui, s'approchant du lit avec un air d'intérêt et de tendresse, s'informa de la santé d'Adeline. Cette dernière répondit aussi bien que l'agitation de ses esprits le lui permit, et témoigna de nouveau son désir de savoir à qui elle avait de si grandes obligations. « Vous saurez cela par la suite, » dit la dame. « Maintenant qu'il vous suffise de savoir que vous êtes avec des personnes qui se croiront trop payées par votre retour à la santé. C'est pourquoi soumettez-vous à tout ce qui peut y conduire et consentez à ce que l'on vous tienne aussi tranquille qu'il est possible. » Adeline exprima sa reconnaissance par un sourire et baissa la tête en silence pour marquer son consentement. La dame quitta alors la chambre pour aller chercher une médecine. Et lorsqu'elle lui donnait à Adeline, on la laissa reposer, mais sa tête travaillait trop pour qu'elle pût profiter de l'occasion. Elle contemplait le passé et le présent, et lorsqu'elle faisait la comparaison, le contraste la mettait dans le dernier étonnement. Toute la scène lui paraissait comme une de ces soudaines transitions si communes dans les songes, où l'on passe, sans savoir comment, d'un état de douleur et de désespoir à une situation agréable et délicieuse. Elle regardait néanmoins l'avenir avec la plus grande anxiété. ce qui menaçait de retarder sa guérison. Et lorsqu'elle se rappelait les paroles de sa généreuse bienfaitrice, elle s'efforçait de se distraire. Si elle avait mieux connu le caractère des personnes dans les maisons desquelles elle se trouvait, son inquiétude par rapport à elle-même n'aurait pas été de longue durée. Car la Luc à qui elle appartenait était un de ces hommes rares auxquels l'infortune ne s'adresse jamais en vain, et dont la bonté naturelle, confirmée par les principes, est toujours uniforme et sans affectation. La famille de la Luc. Dans le village de Lenoncourt, célèbre par sa situation pittoresque au pied des Alpes de Savoie, vivait Arnaud Laluc, ecclésiastique, descendu d'une ancienne famille de France, qui, à cause de la décadence de sa fortune, avait été obligé de chercher une retraite en Suisse, dans un siècle où la violence des guerres civiles pardonnait rarement aux vaincus. Il était curé du village et autant aimé pour la piété et la bienveillance du chrétien que respecté pour la dignité et l'élévation du philosophe. Sa philosophie était celle de la nature dirigée par le bon sens. Il méprisait le jargon des écoles modernes et les absurdités pompeuses des systèmes qui ont ébloui leurs disciples sans les éclairer et les ont dirigés sans les convaincre. Il avait un esprit pénétrant, des vues étendues, et ses systèmes, semblables à sa religion, étaient simples, raisonnables et sublimes. Les habitants de sa paroisse le regardaient comme un père, parce que, tandis que ses préceptes éclairaient leur esprit, son exemple leur pénétrait le cœur. Dans sa jeunesse, Laluc avait perdu une femme qu'il aimait tendrement. Cet événement avait répandu une teinte douce et intéressante de mélancolie sur son caractère, qui était resté lorsque le temps eut adouci le souvenir qu'en avait été la cause. La philosophie lui avait fortifié l'âme sans lui endurcir le cœur. Elle l'avait rendu capable de résister aux rigueurs de l'affliction plutôt que de les surmonter. Le malheur lui avait appris, par une espèce de sympathie, à être sensible au malheur des autres. Le revenu de sa cure était médiocre, et ce qui lui restait des biens divisés et réduits de ses ancêtres n'était guère susceptible de l'augmenter. Quoiqu'il ne fût pas toujours en son pouvoir de fournir aux besoins de l'indigent, sa tendre compassion et sa sainte conversation ne manquaient jamais de donner quelque consolation à l'affligé. Dans ces occasions, les tendres et délicates émotions de son âme lui ont souvent fait dire que si le voluptueux avait une fois éprouvé ces sensations, il ne pourrait jamais renoncer au plaisir de faire du bien. L'ignorance des vrais plaisirs, disait-il, conduit plus souvent au vice que la tentation des faux. Laluc avait un fils et une fille qui étaient trop jeunes quand leur mère mourut pour regretter sa perte. Il les aimait avec une tendresse particulière, comme les enfants d'une femme dont il ne cessait jamais de déplorer la mort. Et pendant quelque temps, son seul amusement fut d'observer le développement graduel de leur esprit enfantin et de les plier à la vertu. Il renfermait sa douleur profonde au fond de son cœur. Il ne troublait jamais les autres de ses lamentations, et il ne faisait même que très rarement mention de sa femme. Son chagrin était trop dur pour l'œil vulgaire. Il se retirait souvent dans la vaste solitude des montagnes, et au milieu de cette scène formidable et majestueuse, il se rappelait la mémoire du passé et s'abandonnait au plaisir de la douleur. Après ces petites excursions, il était toujours plus paisible et plus satisfait. Une douce tranquillité, qui approchait même du bonheur, se répandait dans toute son âme, et ses manières se ressentaient d'une plus grande proportion de bienveillance. En contemplant ses enfants, en les baisant tendrement, il laissait quelquefois échapper une larme, mais c'était une larme de tendre regret, qui n'avait aucune teinte des noires qualités de la douleur et qui était précieuse pour son cœur. Après la mort de sa femme, il avait pris chez lui une sœur non mariée, fille honnête et sensée, qui s'intéressait beaucoup au bonheur de son frère. Ses attentions pleines de tendresse et sa conduite judicieuse avaient prévenu l'effet du temps pour apaiser sa douleur et les soins assidus qu'elle prodiguait à ses enfants en prouvant la bonté de son âme, la rendait encore plus chère à son frère. Ce fut avec un plaisir inexprimable que ce dernier crut apercevoir dans les traits naissants de Claire la ressemblance de sa mère. Elle ne tarda pas à développer la même délicatesse dans ses manières et la même douceur de caractère. Et à mesure qu'elle avança en âge, ses actions lui rappelaient si vivement son épouse qu'elle le plongeait dans des rêveries qui absorbaient toute son âme. Il passait sa vie dans la tranquillité, occupé des devoirs de sa paroisse, de l'éducation de ses enfants et de recherches philosophiques. La tendre mélancolie dont l'affliction avait empreint son âme lui était devenue chère par une longue habitude et il ne l'aurait pas échangée pour le rêve le plus brillant d'un bonheur chimérique. Quand il était vexé par quelque incident momentané, il trouvait sa consolation en reportant ses pensées vers celle qu'il avait si tendrement aimée. et cédant à une douce tristesse, que le vulgaire appelle romanesque, il recouvrait graduellement sa tranquillité. C'était là le plaisir secret auquel il avait recours, la jouissance solitaire qui dissipait les chagrins et les vexations du moment, qui élevait son âme au-dessus de ce monde trompeur, pour lui offrir la perspective d'un monde plus sublime. Son château était situé sur les bords d'un petit lac presque environné de montagnes d'une hauteur prodigieuse, dont les bizarres saillies formaient une vue singulièrement sublime et majestueuse. À côté du lac, presque vis-à-vis le château, les montagnes semblaient se reculer et laissaient apercevoir une longue chaîne des Alpes variées et les ombres innombrables qu'offraient ces dernières. Les unes, couvertes de brouillard couleur de ciel, les autres ayant une teinte de beau pourpre et d'autres ne présentant qu'un jour partiel, donnaient un coloris enchanteur au reste de la scène. Le bonheur de la Luc était de voir ses enfants heureux, et dans une de ses excursions à Genève, où il était allé visiter des parents de feu sa femme, il acheta un luth pour Claire. Elle reçut avec une reconnaissance au-delà de toute expression, et ayant appris un air, elle vola vers ses chers acacias, et le joua tant de fois qu'elle oublia toute autre chose, ses petits devoirs domestiques, ses livres, le dessin, l'heure même que son père dévouait à son instruction, et où elle se rendait, avec son frère, dans la bibliothèque, afin d'y partager ses leçons. Cette heure-là, dis-je, fut également oubliée. La Luc ne disait rien. Mademoiselle La Luc n'était pas contente que sa nièce négligeât ses devoirs domestiques et voulait la réprimander. Mais La Luc la pria de n'en rien faire. Souffrez, dit-il, que l'expérience lui fasse connaître son erreur. Les préceptes ne convainquent guère les jeunes gens. Mademoiselle répondit que l'expérience était un précepteur bien lent. Mais aussi, il est sûr, répliqua La Luc. Et c'est souvent le plus prompt de tous. Au reste, quand l'expérience ne peut pas nous causer de maux sérieux, il vaut mieux se fier à elle. Claire passa le second jour comme le premier, et le troisième comme le second. Elle savait alors jouer plusieurs airs. Elle vint trouver son père, et lui répéta ce qu'elle avait appris. À souper, la crème n'était pas faite, et il n'y avait pas de fruits sur la table. La Luc en demanda la raison. Claire s'en ressouvint et rougit. Elle remarqua que son frère était absent, mais elle ne dit rien. Vers la fin du repas, il parut. Son visage exprimait une satisfaction extraordinaire, mais il s'assit sans rien dire. Claire lui demanda ce qui l'avait empêché de venir souper et apprit qu'il avait été chez une pauvre fille du voisinage pour lui porter les secours que son père lui accordait par semaine. La Luc avait confié le soin de cette famille à sa fille et elle devait leur porter leur petit nécessaire la veille, mais elle n'avait pensé qu'à la musique. « Comment avez-vous trouvé la femme ?» dit la Luc à son fils. « Plus mal, » répondit-il, « car elle n'avait pas reçu ses médecins régulièrement, et les enfants n'avaient rien ou presque rien à manger aujourd'hui. » Claire fut fâchée. « Rien à manger, » se dit-elle. « J'ai été pendant toute la journée à jouer du luth sous les acacias sur les bords du lac. » Son père fit semblant de ne pas observer son émotion, mais se tourna vers son fils. « Quand je l'ai quitté, elle allait beaucoup mieux, » dit ce dernier. Les médecines que je lui ai portées l'ont soulagée, et j'ai eu le plaisir de voir faire un bon souper à ses enfants. Claire, peut-être pour la première fois, envia son plaisir. Elle avait le cœur gros, et elle garda le silence. « Rien à manger aujourd'hui, » pensait-elle. Elle se retira tristement dans sa chambre. La douce sérénité avec laquelle elle avait coutume d'aller se coucher était évanouie, car elle ne pouvait plus se rappeler le jour passé avec satisfaction. « Quel dommage, dit-elle, une chose qui m'est si agréable me cause tant de peine. Ce luth fait mes délices et mon tourment. » Cette réflexion excita bien les mouvements dans son sein, mais elle s'endormit avant de prendre aucun parti. Elle s'éveilla le lendemain de grand matin et attendit avec impatience les progrès du jour. Le soleil paraissant enfin, elle se leva, et résolue d'expier sa première négligence par tous les moyens possibles, elle vola vers la chaumière. Elle y resta pendant un temps considérable, et quand elle revint au château, son visage avait recouvré sa sérénité accoutumée. Elle prit néanmoins la résolution de ne point toucher son luth de la journée. En attendant le déjeuner, elle s'occupa à lier les fleurs et à léguer les branches redondantes. Elle se trouva, sans s'en apercevoir, au-dessous de ses chers acacias, sur le bord du lac. « Ah !» dit-elle en soupirant. « Que l'air que j'ai appris hier ferait un bon effet sur l'eau. » Mais elle se rappela sa résolution et arrêta les pas qu'elle avait involontairement faits vers le château. Elle se rendit auprès de son père à la bibliothèque, à l'heure ordinaire, et vit, par le discours qu'il tint à son frère sur les lectures des deux jours précédents, qu'elle avait perdu des leçons bien intéressantes. Elle pria son père de lui dire de quoi il était question, mais il répliqua avec calme qu'elle avait préféré un autre amusement pendant la discussion du sujet, et qu'il fallait qu'elle se résignât à l'ignorer. « Vous voudriez, dit-il, recueillir la récompense de l'étude dans les amusements de l'oisiveté. Apprenez à être raisonnable, et n'espérez point pouvoir réunir les contraires. » Claire sentit la justesse de ce reproche et se ressouvint de son luth. « Qu'il a été cause de bien du mal, dit-elle en soupirant. « Oui, je suis déterminée à ne pas le toucher aujourd'hui. Je prouverai que je suis en état de résister à une inclination quand je vois que cela est nécessaire. » Ainsi résolue, elle s'appliqua à l'étude avec plus d'assiduité qu'à l'ordinaire. Elle tint ferme dans sa résolution, et vers la fin du jour, alla dans le jardin pour se délasser. La soirée était calme et extraordinairement belle. On n'entendait par intervalle que le faible bruit des feuilles, ce qui rendait le silence plus majestueux, et les murmures éloignés des torrents qui roulaient à travers les rochers. En regardant des bords du lac, le soleil s'éclipsait derrière les Alpes, dont le sommet avait une teinte d'or et de pourpre. En considérant les derniers rayons de la lumière, réfléchis sur la surface des eaux qui n'étaient pas agitées par le moindre souffle, elle poussa un soupir. « Oh, que le son de mon luth, dit-elle, serait actuellement agréable dans cet endroit, et tandis que tout est si tranquille autour de moi. » La tentation fut trop grande pour Claire. Elle courut au château, revint avec l'instrument vers les acacias. Elle joua à l'ombre de leur feuillage, jusqu'à ce que l'obscurité de la nuit eût fait disparaître les environs. Mais la lune parut, et répandant une lueur tremblante sur le lac, rendit la scène plus intéressante. Il fut impossible de quitter un endroit si enchanteur. Claire répéta plusieurs fois ses airs favoris. La beauté de la nature excita tout son génie. Elle n'avait jamais auparavant joué avec tant d'expression, et elle écoutait avec ravissement les notes qui languissaient sur la surface des eaux et se perdaient ensuite dans le lointain. Elle était enchantée. Non, il n'y avait rien de plus délicieux que de jouer du luth sous ces acacias, sur le bord du lac et au clair de la lune. Quand elle revint au château, le souper était fini. La luth avait remarqué Claire et n'avait pas voulu qu'on l'interrompît. Quand l'enthousiasme fut passé, elle se souvint qu'elle avait manqué à sa résolution, et cette réflexion lui fit de la peine. « Je me vantais, dit-elle, de pouvoir résister à mes penchants, et j'eus la faiblesse de céder à leur impulsion. Mais quel mal ai-je fait ce soir en y cédant? Je n'ai négligé aucun devoir, puisque je n'en avais aucun à remplir. De quoi donc puis-je m'accuser? Il aurait été ridicule de tenir ma résolution et de me refuser un plaisir, tandis qu'il n'y avait aucune raison pour cette privation. » Elle s'arrêta un instant, peu satisfaite de ce raisonnement, reprenant ensuite le fil de ses réflexions. « Mais comment, ajouta-t-elle, suis-je sûre que j'aurais résisté à mes penchants s'il y avait eu quelque raison pour cela? Si la pauvre famille que je négligeais hier n'avait point été pourvue aujourd'hui, je pense que je l'aurais encore oubliée, tandis que je jouais du luth sur le bord du lac. » Elle rappela ensuite à son esprit tout ce que son père avait dit dans différentes occasions sur la nécessité de maîtriser ses passions. Et elle ressentit quelque peine. Non, dit-elle, si je ne regarde pas l'observation d'une résolution que j'ai solennellement formée, comme une raison suffisante de résister à mes inclinations, je crains bien qu'aucun autre motif ne puisse me retenir. J'avais fermement résolu de ne point toucher mon luth d'aujourd'hui, et j'ai manqué de fermeté. Demain, je serai peut-être tenté de négliger quelques devoirs, car j'ai découvert que je ne pouvais compter sur ma propre prudence. Puisque je ne puis vaincre la tentation, je vais l'éviter. Le lendemain matin, elle apporta son luth à la luque et le pria de le reprendre, ou du moins de le garder, jusqu'à ce qu'elle lui apprît à maîtriser ses passions. Ses paroles touchèrent vivement la luque. « Non, Claire, dit-il, il n'est pas nécessaire que je reprenne votre luth. Le sacrifice que vous voulez bien faire prouve que vous méritez ma confiance. Gardez cet instrument. Puisque vous avez assez de résolution pour l'abandonner quand il vous détourne de vos devoirs, je suis persuadé que vous en aurez assez pour résister à son influence, maintenant qu'il vous est rendu. » Ces paroles firent à Claire un plaisir qu'elle n'avait jamais éprouvé. Mais elle crut que pour mériter ses louanges, il était nécessaire de consommer le sacrifice qu'elle avait commencé. Dans le vertueux enthousiasme du moment, les plaisirs de la musique furent absorbés par celui d'obtenir un éloge bien mérité, et en refusant le luth qui lui était offert, elle éprouvait des sensations exquises. « Mon cher papa, dit-elle, les yeux remplis de larmes, permettez que je me rende digne des louanges que vous voulez bien m'accorder, et pour lors je serai vraiment heureuse. » La luque ne la vit jamais si semblable à sa mère que dans cet instant. Il l'embrassa tendrement, il pleura quelque temps en silence. Quand il fut en état de parler, « Vous méritez déjà mes éloges, dit-il, et je vous rends votre luth pour récompense de la conduite qui a donné lieu. Cette scène rappela à la Lugue des choses trop tendres pour son cœur, et rendant l'instrument à Claire, il quitta subitement la chambre. Le fils de la Lugue, jeune homme qui promettait beaucoup, était destiné par son père à l'état ecclésiastique et avait reçu de lui une excellente éducation qu'il fut cependant jugé nécessaire de finir dans une université. La Lugue avait choisi celle de Genève. Son dessein était non seulement de rendre son fils savant, mais de lui donner aussi toutes les qualités qui rendent l'homme estimable. Il l'avait encore accoutumé, dès son enfance, au travail et à la peine. À mesure qu'il avançait en âge, il lui fit prendre des exercices virils, l'instruisit des arts utiles ainsi que des sciences abstraites. Il était d'un caractère fier et ardent, mais il avait le cœur généreux. Il attendait le temps où il allait voir Genève et le nouveau monde qu'il devait y rencontrer avec toute l'impatience de la jeunesse. Et le plaisir que lui causait cette attente l'empêchait de penser aux regrets qu'il aurait sans cela éprouvés en se séparant de sa famille. Un frère de feu, Madame Lalucque, qui était née anglaise, résidait à Genève. Il suffisait d'être parent de sa femme pour avoir des droits sur le cœur de Lalucque. C'est pourquoi il avait toujours entretenu une correspondance avec M. Andelay, quoique la différence de leur caractère et de leur façon de penser n'eût jamais fait naître entre eux une grande amitié. Lalucque lui écrivit alors pour lui faire connaître ses intentions d'envoyer son fils à Genève et de le confier à ses soins. M. Andelay avait fait une réponse amicale à cette lettre, et peu de temps après, une des connaissances de Lalucque ayant des affaires à Genève, il résolut de faire partir son fils avec elle. La séparation fut pénible pour le père et presque insupportable à Claire. Mademoiselle Lalucque fut affligée et eut soin de lui mettre une quantité suffisante de remèdes dans sa malle. Elle se donna aussi beaucoup de peine pour lui expliquer leurs vertus et les différentes maladies où il pouvait être utile, mais elle prit soin de donner ses instructions en l'absence de son père. Lalucque et sa fille accompagnèrent le jeune homme à cheval jusqu'à la ville voisine, qui était à environ 8 000 de Leloncourt, et là, répétant tous les avis qui lui avaient été donnés pour sa conduite future, et cédant de nouveau à la tendresse paternelle, Lalucque lui dit adieu. Claire pleura, et ressentit plus de chagrin de cette séparation qu'elle n'aurait dû lui en occasionner, mais c'était presque la première fois qu'elle éprouvait la douleur, et il s'abandonnait naturellement à son influence. Lalucque et Claire revinrent en gardant un morne silence. Le jour était prêt à finir, quand ils aperçurent le lac et ensuite le château. Il n'avait jamais paru sombre auparavant, mais maintenant Claire parcourait seule chaque appartement où elle avait été accoutumée de voir son frère, et se rappelait une infinité de petites circonstances qu'elle aurait regardées comme peu de choses s'il avait été présent, mais auxquelles son imagination mettait actuellement une valeur. Le jardin, les paysages qui l'environnaient, tout avait un aspect mélancolique. Ils furent longtemps à reprendre leur caractère naturel, et Claire à recouvrer sa vivacité. Près de 4 ans s'étaient écoulés depuis cette séparation lorsqu'un soir, tandis que Mademoiselle Lalucque et sa nièce étaient à travailler dans la salle, une bonne femme du voisinage désira leur parler. Elle venait demander quelques médecines et consulter Mademoiselle Lalucque. « Il est arrivé un triste accident dans notre maison, mademoiselle, dit-elle. En vérité, la pauvre fille me fait pitié. » Mademoiselle Lalucque lui dit de s'expliquer, et la bonne femme ajouta que son frère Pierre, qu'elle n'avait point vu depuis plusieurs années, était arrivé et qu'il avait amené avec lui une jeune demoiselle qui, à ce qu'elle croyait, était à l'article de la mort. Elle fit la description de sa maladie et l'informa des particularités de son histoire que Pierre lui avait racontées, ne manquant pas de les exagérer, selon qu'elle y était excitée par sa compassion pour la malheureuse étrangère ou par son amour pour le merveilleux. Ce récit parut fort extraordinaire à Mademoiselle Lalucque, mais la pitié que lui inspirait la triste situation de la jeune malade lui fit prendre de plus en plus renseignements sur cette affaire. « Voulez-vous que j'y aille, mademoiselle ?» dit Claire, qui avait écouté avec une tendre compassion ce qu'avait dit la pauvre femme. « Permettez-moi d'y aller. Elle doit avoir besoin de secours, et je souhaiterais voir comment elle va. » Mademoiselle fit encore quelques questions touchant sa maladie. Après quoi, ôtant ses lunettes, elle se leva et dit qu'elle irait elle-même. Claire voulut l'accompagner. Elles mirent leurs chapeaux et suivirent la bonne femme à la chaumière où était Adeline, dans une très petite chambre, sur un misérable lit, pâle, décharné et insensible à tout ce qui l'environnait. Mademoiselle Lalucque se tourna vers la femme et lui demanda combien il y avait qu'elle était dans cet état. En même temps, Claire s'approcha du lit et, prenant sa main presque morte qui reposait sur la couverture, regarda fixement son visage. « Elle ne sent rien, » dit-elle, « pauvre créature. Je voudrais qu'elle fût au château. Elle y serait plus commodément, et je pourrais la soigner. » La femme répondit à Mademoiselle Laluc qu'il y avait plusieurs heures que la jeune dame était dans cet état. Mademoiselle lui tâta le pouls et secoua la tête. « Cette chambre est bien petite, » dit-elle. « Bien petite, vraiment, » s'écria Claire avec chaleur. « Elle serait sûrement beaucoup mieux au château, si on pouvait l'y transporter. »« Nous verrons, » dit sa tante. « En attendant, laissez-moi parler à Pierre. Il y a bien des années que je ne l'ai vu. » Elle passa dans la chambre d'entrée, et la femme sortit pour l'appeler. Quand elle fut partie, « C'est une triste habitation que celle-ci pour cette pauvre étrangère, » dit Claire. « Elle ne guérira jamais dans cet endroit. Je vous en supplie, ma tante, faites-la transporter chez nous. Je suis sûr que mon père n'en sera pas fâché. D'ailleurs, il y a quelque chose dans sa figure, quelque insensible qu'elle soit, qui me prévient en sa faveur. » « Ne parviendrai jamais, dit la tante, à détruire en vous cette disposition romanesque à juger les gens sur leur physionomie. Il est peu important de savoir quelle est sa figure. Il suffit qu'elle soit dans un état déplorable pour que je veuille lui donner des secours. Mais je désirais auparavant faire quelques questions à Pierre à son sujet. « Je vous remercie, ma chère tante, dit Claire. On la fera donc transporter. » Mademoiselle Laluc allait répliquer, mais Pierre entra et témoignant le plaisir qu'il ressentait de la voir, demanda comment M. Laluc et Claire se portaient. Claire félicita cet honnête garçon sur son retour dans son pays natal. Il répondit à ses félicitations, en exprimant plusieurs fois sa surprise de la voir si grande. « Quoique je vous ai tant de fois porté dans mes bras, je ne vous aurais jamais reconnu. Les jeunes branches croissent si vite, comme nous disions. » Mademoiselle Laluc s'informa alors des particularités de l'histoire d'Adeline, et Pierre lui dit tout ce qu'il en savait, savoir que son ancien maître l'avait trouvé dans un état de détresse et qu'il l'avait lui-même emmené de l'abbaye pour la soustraire aux poursuites d'un marquis français. La simplicité du discours de Pierre ne lui permit pas de soupçonner sa véracité, quoique plusieurs fois des circonstances qu'il raconta excitassent toute sa surprise et sa pitié. Claire eut souvent les larmes aux yeux pendant le cours de ce récit, et quand il fut terminé, elle dit « Ma chère tante, je suis persuadée que lorsque mon père connaîtra l'histoire de cet infortuné, il ne refusera pas de lui servir de père, et moi je serai sa sœur. » « Elle le mérite bien, dit Pierre, car vraiment c'est une bonne fille. » Il s'étendit alors beaucoup sur ses louanges, chose extraordinaire pour lui. « Je vais consulter mon frère sur son compte, dit Mademoiselle Laluc en se levant. Il faudrait certainement la mettre dans une chambre plus aérée. Le château est si près d'ici qu'on peut la transporter sans courir de grands risques. » « Dieu vous accorde sa bénédiction, mademoiselle, dit Pierre, en se frottant les mains, à cause des bontés que vous voulez bien avoir pour ma pauvre jeune demoiselle. » Laluc venait de retourner de sa promenade du soir quand elles arrivèrent au château. Sa sœur lui dit où elle avait été et lui raconta l'histoire d'Adeline et sa situation présente. « Sans doute, faites-la transporter ici, » dit Laluc, dont les yeux témoignaient la sensibilité de son cœur. « Elle sera mieux soignée ici que dans la chaumière de Suzanne. »« Je savais bien que vous diriez cela, mon cher papa, » dit Claire. « Je vais lui préparer le l'hiver. » « Un peu de patience, ma nièce, » dit Mademoiselle Laluc. « Il n'est pas nécessaire de se presser si fort. » Il y a quelque chose à considérer auparavant. Mais vous êtes jeune et romanesque. Laluc sourit. La nuit est déjà commencée, reprit mademoiselle. C'est pourquoi il serait dangereux de la transporter ce soir. Nous lui préparerons demain matin une chambre et la ferons transporter ici. En attendant, je vais composer une médecine qui, à ce que je crois, lui fera du bien. Claire consentit à regret à ce délai, et mademoiselle Laluc se retira dans son cabinet. Le lendemain matin, Adeline, bien enveloppée dans des couvertures, fut transportée au château où le bon Laluc ordonna qu'on en prît tout le soin possible et où Claire la soigna avec une tendresse et une assiduité sans exemple. Elle resta dans un état de léthargie durant la plus grande partie du jour, mais vers le soir, elle respira plus librement et Claire, qui la veillait à côté de son lit, eut à la fin le plaisir de voir qu'elle avait recouvré l'usage de ses sens. C'était l'état dans lequel nous l'avons laissée pour donner cette relation du vénérable Laluc et de sa famille. Le lecteur verra par la suite que ses vertus et son amitié pour Adeline étaient bien dignes d'une pareille digression en sa faveur.